Krilin. Krilin, à la base, c'est mon refrain. Des Krilin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une meuf ou un mec. Un poison. Qui nous montre à la tête, tu vois, mec. J'ai vécu en enfer. Fais pas craper, moi. Le quartier, le 19. Tu savais. Autant de béton que trop dur, je veux. Et même si m'envoyait tous les hélicoptères de la France, tous rêvent la mort. Jamais je rentre à Lascar qui rêve de s'en sortir. Y'a pas moyen, moi. On se dit que c'est qu'un rêve. Aujourd'hui, une illusion. Repenti, je suis, mec. Mais. À vie. À vie. Ouais. Ouais. J'ai aimé. Je me suis repenti. J'ai volé. Je me suis repenti. C'est ça? Ouais. Les gens aujourd'hui. Faudra-t-il être tué moins que rien? Ça y est, dans la coste. Tu fais un bob. Ouais. T'es là. Tu fais. Souvent le respect des autres. Faudra-t-il qu'on tue? Faudra-t-il qu'on risque de se faire tuer? Non, c'est pas grave. C'est pas comme ça qu'il faut voir. On a rien à perdre. La vie. Jusqu'à là, on n'a rien gagné. C'est un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Un rêve. Et nous, rien qu'un rêve. Du début à la fin, ça a été un cauchemar. Un cauchemar. Et je demande. Ouais. Une minute de rêve. Une minute. Une seule minute. Une. De rêve. Ouais, je veux voir ce que c'est. Tu vois, je veux franchement goûter au bonheur. Voir ce que c'est ce qu'elle donne la vie en vérité. Quand on est heureux. Tu vois, quand on a quelqu'un. Qu'on veut protéger, ou alors que quelqu'un qui veut nous protéger. Une muraille. Mais ici, rien d'autre. C'est pas comme ça, mec. T'as rien, t'es rien. Frère emprisonné. T'as tout, t'es tout. Ça va pas. Moi, personnellement, faut qu'on règle tout ça. Je suis Hadès. Ouais, Hadès. Ouais. Moi, c'est Krilin. Je suis Hadès, mec. Tu sais où nous trouver, fils. Au revoir. Si tu veux, on est morts. Ouais. T'inquiète. Non, j'ai pas besoin. Les armes sont prêtes. Ni le bonheur. Ouais, ni le bonjour. Parce que tu vois, toute ma vie a été un cauchemar. Un cauchemar. Aujourd'hui, ouais, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire. J'en suis fier, mec. C'est beau de retour. Ça, c'est l'intro. Ouais, ça, c'est l'intro. Ouais, ça, c'est l'intro, fils. Ouais, ça, c'est l'intro, fils. Ouais, ça, c'est l'intro. 9-8. Ouais, ça, c'est l'intro. Repenti sur le beat. Ouais, ça, c'est l'intro. Ça, c'est l'intro.